إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue nos cours sur les méfaits de la démocratie qu'on avait arrêté avant le ramadan parce que justement on voulait laisser plus de temps pour les frères pendant le ramadan étant donné que on est occupé à l'adoration puis lecture du Coran et d'autres adorations de ce genre. Donc là maintenant inchallah le ramadan est terminé et on espère que Allah accepte nos efforts et nos actions et pardonne nos manquements et nos péchés. Et donc on va commencer maintenant, on va terminer le chapitre 1 aujourd'hui, Inch'Allah, en fait c'est le chapitre 2 en fait, mais par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, nous on a commencé dans le chapitre 2, parce que le chapitre 1 c'est un résumé de la da'wa salafia, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Mais on a sauté ce chapitre-là parce que on a déjà fait un cours sur ce sujet-là, on a déjà fait un cours sur ce sujet-là, « Kun salafiyan ala al-jadd ». Donc étant donné que ce livre-là, c'est pratiquement le même sujet puis les mêmes principes expliqués encore une fois, j'ai préféré commencer tout de suite avec le deuxième chapitre qui est les méfaits de la démocratie. Et là, on est rendu au chapitre, au point numéro 25 dans les points qui sont les méfaits de la démocratie. Puis notre cours d'aujourd'hui, c'est le cours numéro 12. Donc, on continue la lecture du livre « Al-Adillatu al-Shar'iyya li-kashf al-talbisat al-hizbiyya » du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et le Cheikh il dit, parmi les méfaits de la démocratie, « صرف الأموال الطائلة وإفراغ الجهود في خدمة مثل هذه الأمور المبتدعة » Donc, c'est un point qui dit que, par exemple, dans la parmi les méfaits des élections puis de la démocratie, il y a le fait qu'on gaspille beaucoup d'argent et on gaspille beaucoup d'efforts également pour servir ces genres de choses qui sont innovées dans la religion. Et ça, bien entendu, c'est pas permis. Le cheikh il dit, أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي برزة قال صلى الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما أو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. C'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Abi Barza, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمل وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Ça veut dire, au shahid, an malihi, minayn aktasaba, wa fima anfaqa. Donc, le shaykh, il dit que ce hadith-là, c'est le hadith de Abi Barza, que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pieds du serviteur au jugement dernier seront fermes, jusqu'à ce qu'il soit questionné sur sa vie, combien de temps il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là, pendant ces années-là qu'il a vécu. Et aussi, il sera questionné sur sa science. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa science? C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a appliqué ou non? Aussi, il sera questionné sur ses biens. D'où est-ce qu'il les a, comment il a acquis sur ces biens-là, comment il les a gagnés. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là, comment il l'a dépensé. Et aussi, il sera questionné sur son corps, qu'est-ce qu'il a fait avec. Donc, ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Tirmidhi, comme on a dit, et il est authentifié par Cheikh Al-Albani dans son Cheikh Al-Tirmidhi. Et le point que le Cheikh a voulu mentionner en particulier, ou l'attention, le point que, sur lequel le Cheikh a voulu porter notre attention dans ce hadith-là, c'est la partie qui dit, et au sujet de ses biens, comment il les a gagnés, et comment il les a dépensés, comment il a dépensé son argent, comment il a gagné son argent. Par rapport justement au fait qu'on n'a pas le droit de gaspiller notre argent dans des choses futiles et dans des choses qui sont mauvaises ou haram, ainsi de suite. Et parmi les choses, parmi ces choses-là, il y a la démocratie et les élections. C'est le gaspillage d'argent. Le Cheikh dit, wa bayyana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi hadha al-hadith, anna Allah ta'ala yawm al-qiyama sa'iluna an hadha al-mal alladhi iktasabnahu. ماذا فعلنا فيه وما هي الوجوه التي صرفناه فيها وأهي وجوه مشروعة أو أم محرمة ذلك أن المال ما هو إلا وديعة وليس ملكا حقيقيا لنا فلا يجوز أن نتصرف فيه إلا وفق ما أذن لنا فيه شرعا وأن لا نتجاوز الحد فيه ومن تجاوز الحد أو ومن تجاوز أن تصرف الأموال ومن التجاوز أن تصرف الأموال الطائلة التي حقيقة قد أثرت في بنية البلاد في مثل أمور لا تمت للإسلام بصلة ولا من قريب ولا من بعيد وإنما هي تطبيق لما يملى لما يملى علينا من الغرب أو لما يملى علينا من الغرب كالانتخابات كم من الأموال الطائلة قد صرفت لأجلها وأموال تصرف للإعلانات وأموال تصرف لمن يقوم بتوزيعها وأموال تصرف لبناء مقرات لها وعليكم السلام ورحمة الله وأموال يشترى بها أصوات الناخبين وإلى آخره. Donc le Cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous a expliqué dans ce hadith que Allah sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier il va nous questionner au sujet de notre argent, comment on l'a gagné et qu'est-ce qu'on a fait avec. Et ça c'est les aussi Allah sallallahu alayhi wa sallam va nous poser la question aussi c'est ça, de quelle façon on l'a dépensé notre argent, dans quoi on l'a dépensé. Est-ce qu'on l'a dépensé dans des choses qui sont permises, ou bien on les a dépensé notre argent dans des choses qui ne sont pas permises. Le Cheikh il dit donc que, en réalité, l'argent qu'on a, l'argent qu'on possède, c'est comme si en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'avait prêté seulement. On n'est pas réellement les propriétaires et les maîtres de notre argent. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prêtait cet argent-là, il le mettait à notre disposition pendant quelques temps pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc c'est pas réellement notre argent, même si elle nous appartient, c'est pas vraiment à nous. C'est à lui qu'elle appartient cet argent-là. Et, il est donc pas permis pour nous de dépenser notre argent et de faire avec notre argent ce qu'on veut. On est obligé de faire, on peut uniquement faire avec notre argent ce qui nous est permis dans la charia. et on n'a pas le droit de dépasser la limite de ce que Allah nous a permis dans, avec notre argent. Et on voit que il y a des gens qui dépassent les limites en dépensant des grandes sommes, hein, des millions parfois, pour justement des campagnes électorales, hein, et bien entendu ça c'est des activités qui n'ont aucun rapport avec l'islam, ni de près ni de loin. Et donc c'est uniquement comme si on était en train d'implémenter les règles et les ordres que les occidentaux sont en train de nous commander de suivre. Comme s'ils nous disent appliquez la démocratie et puis faites des élections, et nous on dit oui, nous obéissons maître. Hein? C'est ça ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ça. Et regardez, après on va parler des conséquences après, inchallah. Mais j'ai dit, regardez les élections, combien d'argent sont gaspillés dans ces élections-là. Et c'est pour faire les pancartes, les photos, hein. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, c'est des milliers de dollars. Puis après les élections, souvent ils sont jetés à la poubelle. Exactement, on ne les garde pas pendant les 4 prochaines années. Et l'argent aussi qu'on dépense pour les faire distribuer, les petits pamphlets, là, les papiers, tout ça, là, les pancartes, les publicitaires, les campagnes publicitaires, comment on appelle ça, le commercial qu'on met dans la télévision là pour les réclames, oui, les publicités à la télé, à la radio, maintenant c'est à l'internet aussi. Ça c'est des milliers de dollars, des millions de dollars ça coûte. Aussi l'argent qu'on dépense aussi pour les locaux qu'on loue pendant les élections pour justement préparer la distribution des pamphlets, des pancartes et tout ça, et toutes ces choses-là, yani. Et aussi l'argent qu'on utilise pour acheter des votes parfois, hein, donc ça c'est des choses qui se passent réellement dans les pays musulmans, et donc tout ça c'est haram, et le cheikh il dit, c'est « وَهَكَذَا تُصْرَفُ خَيْرَاتُ الْبِلَادِ لِإِحْيَاءِ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومع ذلك نجد من من كنا نظن بهم أنه سينتفع بهم المجتمع سينتفع بهم مجتمعهم من يدعي الإصلاح أول المسارعين لهذه الأمور بل الحاسين للناس عليها. Donc le cheikh il dit, ومن ذلك نجد من كنا نظن بهم أنه سينتفع بهم أو سينتفع بهم مجتمعهم ممن يدعي الإصلاح أول المسارعين لهذه الأمور بل الحاسين للناس عليها. En tout cas, le cheikh il dit, on voit que c'est ainsi que les biens du pays sont gaspillés pour que se produisent ces élections-là, qui sont des choses haram. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et c'est ainsi qu'on voit que certaines personnes de qui on pensait du bien et qu'on croyait que les gens allaient profiter, qu'ils allaient profiter à leur société et qui prétendent qu'ils voulaient faire la réforme, et puis que finalement ce sont eux les premiers à inciter les gens à faire des élections puis à rentrer dans les élections. Donc ça c'est quelque chose de triste. Après le cheikh il donne un autre point, c'est le point numéro 26 parmi les méfaits de la démocratie. Il dit mushabahatu a'da'illah fi tabannihim li hadha an-nizam. C'est-à-dire le fait que tu rentres dans ce système électoral puis la démocratie, ça c'est comme si tu es en train d'imiter les kuffars. OK? Et tu, en appliquant ce système-là et en prônant ce système, c'est comme si tu es en train d'imiter les kuffars. Et le cheikh il dit, أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال المناوي أي تزيى في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وفي بعض أفعالهم أو في بعض أفعالهم. Donc le cheikh ici il mentionne le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que Abu Dawud, l'imam Abu Dawud, il a rapporté dans son Sunan selon Ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ressemble à un peuple est un des leurs. Et ça c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Donc c'est un hadith authentique. Et le Cheikh l'imam Al-Manawi, il explique dans son livre Faydul Qadir, il dit ça veut dire ce hadith-là, celui qui prend leur mode dans son apparence et qui s'habille à leur style à eux et à leur mode. Hein. Maintenant, tu les vois, les jeunes musulmans, malheureusement, là, ça y est, subhanallah, des jeunes qui viennent étudier ici, là, qui habitent ici, les garçons, tu les vois avec la coupe, maintenant, là, c'est comme pointu dans le milieu, là, comme les coques, ouais, c'est ça, pointu dans le milieu, puis bas dans les côtés, donc, puis les mêmes styles, en tout cas, j'en ai vu, là, dans le métro l'autre jour. C'était comme la fièvre du samedi soir, je me demandais si c'était pas John Travolta qui était là ou bien si c'était Allah Musta'an. Non mais c'est pour dire, hein, après il dit il agit comme eux, il prend leur même caractère, leur même attitude, leur comportement, il marche comme eux, il bouge comme eux, il fait tout comme eux. Donc c'est comme s'il est en train de les imiter et ça c'est quelque chose qui est interdit. Hein. Celui qui les imite, il est un des leurs. Le شيخ الذي قلت ومن أفعال أعداء الله أخذهم من إحداثهم بل إحداثهم للانتخابات التي هي وليدة الديمقراطية الكافرة وفي تبني من تبنى هذا النظام من المسلمين مشابهة لأعداء الله الذي هو على أقل أحواله محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. donc le شيخ dit que également parmi les actions des ennemis d'Allah, il y a le fait de prendre cette invention qu'ils ont inventée, c'est-à-dire les élections qui viennent du système démocratique mécréen, et de les adopter comme système, de les accepter. Donc de faire ça, c'est comme si les musulmans sont en train, ceux qui font ça, c'est comme s'ils sont en train d'imiter les ennemis d'Allah. Et le moindre qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que c'est haram. Le moindre qu'on peut dire, c'est que c'est haram. C'est-à-dire, tu peux dire plus que ça encore. Des fois, à un certain degré, ça peut rentrer même dans le coffre. Mais le moindre qu'on peut dire, le minimum, c'est que c'est haram. Donc, t'es dans le minimum, c'est que tu fais un péché. Non. Donc le cheikh dit ensuite que cheikh l'islam ibn Taymiyyah il dit dans Ibtida Sirat al-Mustaqim ce hadith là le moins que tu peux dire c'est que ça implique l'interdiction de leur ressembler, mais même si en apparence ça impliquerait même la mécréance de celui qui essaie de leur ressembler, comme dans le verset 51 dans Surat al-Ma'ida, et celui qui les prend pour alliés parmi vous est un des leurs. Hein? Donc, ça veut dire en réalité que si tu essaies de les imiter dans qu'est-ce qui est kufr, tu deviens kafir. Si tu les imites dans qu'est-ce qui est haram, alors ça devient haram. Donc, ça dépend du degré puis de la chose dans laquelle tu les imites. D'accord? Et le cheikh ici ensuite il dit « وقال أيضا » ابن تيمية وقال أيضا يعني شيخ الإسلام قال أيضا فقد تبين أن نفس مخالفاتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيء ولا تشبه بأهل الكتاب. ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب. Donc le cheikh il mentionne une autre citation de Ibn Taymiyyah dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, et dans ce livre-là il dit que Cheikh al-Islam il a clarifié que il dit, c'est clair dans ce hadith que le fait même de les contredire, c'est quelque chose qui est ordonné et voulu par la charia en général. Donc le fait même de les contredire, les kuffars, et de faire le contraire de ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est voulu et qui est commandé par la charia, qui est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres parmi les imams de l'islam, ils donnaient comme raison pour ordonner de changer la couleur des cheveux blancs. La raison de l'ordre de ça, il donnait comme raison le fait de contredire les gens du livre, de contredire les kuffars. Et l'imam Hanbal, il a dit, j'ai entendu Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, dire, j'aime que tout le monde change les poils de leur barbe, la couleur de leur barbe, quand ils sont blancs. pour pas qu'ils ressemblent aux gens du livre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, changez les poils blancs que vous avez, changez la couleur de vos poils blancs, ne ressemblez pas aux gens du livre. Donc c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on ne ressemble pas aux gens du livre. Et donc ça c'est un exemple parmi plein de versets et de hadiths qui montrent que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous incitent à faire le contraire et à contredire les gens du livre. Dans combien de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khaliful Yahoud, Khaliful Nasara, Khaliful Majus, toujours Khaliful Mushrikin, faites le contraire de ce qu'ils font. Donc c'est quelque chose qui nous est encouragé de faire. Tandis que les gens de Bid'a aujourd'hui, parmi les modernistes et parmi les Ikhwan et d'autres, eux c'est le contraire. Ils disent non, il faut ressembler aux chrétiens, aux juifs. Il faut se rapprocher d'eux, il faut être comme eux. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction entre eux et nous, il faut qu'on soit pareil dans notre apparence, dans notre façon d'agir. Il faut prendre tout ce qu'il y a de bien chez eux, c'est ça ce qu'ils disent. Et pour eux, tout ce qu'il y a de bien, c'est leur façon de vivre et tout ce qu'ils font. Par exemple, soi-disant que ça, c'est tout ça, c'est basé sur le bien. Et ils ne prennent pas en considération le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous distinguer des kuffars et des mushrikins. Donc on voit qu'ils ne prennent même pas ce hadith-là en considération. Après, le chef il mentionne un autre point, parmi les points des méfaits de la démocratie, et ça c'est un point très très important, qui est très dangereux aussi, c'est « تقديم التنازلات عند الدخول في المجالس النيابية », c'est-à-dire, parmi les méfaits de la démocratie, c'est que tu dois faire des compromis, et tu dois abandonner certains de tes principes lorsque tu rentres dans les chambres des députés ou dans les parlements ou des trucs de ce genre. Et donc, il dit إن المشاركة في البرلمانات الانتخابية تؤدي بلا ريب إلى تقديم التنازلات تلو التنازلات وهذا واقع ولا ينكره إلا جاهل أو مكابر وبعض هذه التنازلات تتعارض وتتصادم تماما مع أسس وقواعد ديننا الإسلامي. Le chef il dit que de participer à ces parlements électoraux et des chambres des députés, tout ça, de rentrer dans les parlements, tout ça, il n'y a pas de doute que ça pousse quelqu'un à faire des compromis. Un compromis après en amène un autre. et puis c'est tout à fait normal parce que c'est un système qui est contraire à l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui est réel et que personne ne peut nier, excepté deux personnes, un ignorant ou un orgueilleux. Hein? Parce que c'est une chose réelle et qu'on a constaté, qu'on a vérifié, c'est des faits, hein, c'est des choses réelles. Que chaque fois que ces gens-là sont rentrés dans des parlements, ils ont fait des compromis. Et parfois, même avant de rentrer dans le parlement, ils n'ont même pas eu le temps de rentrer encore, ils ne sont même pas élus, que déjà dans leur campagne électorale, ils sont déjà en train de faire des compromis pour se faire accepter des kuffars. Déjà pour rentrer, comme par exemple ici par exemple, quand certains candidats rentrent dans un parti politique des kuffars ici, ben ils doivent abandonner certaines choses. Hein, ils vont exiger de lui qu'il coupe les liens avec certains musulmans, ou bien avec certains groupes, s'ils font partie de groupes. Ils vont lui ordonner, par exemple, de nier des choses, comme par exemple de nier la charia, ou de nier telle ou telle chose, et de dire non, on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça, alors que ce sont des choses qui sont fondamentales dans l'islam. Donc, on voit des exemples comme ça, même déjà, il y en a qui ont eu le temps déjà de dire des paroles de kuffar parmi ceux qui se sont présentés, même dans les élections ici, au Canada et à Montréal. Donc c'est pour dire que ça c'est très dangereux. Et yani, le cheikh il dit que, en fait qu'est-ce qu'il fait, il donne des exemples de certains des compromis qui sont faits par ceux qui rentrent dans ce genre de système-là. فَمِنْ تِلْكُمُ التَّنَازُلَاتِ الْإِعْتِرَافِ بِحُرِّيَّةِ الرَّأِي وَالرَّأِي الْآخَرِ. Parmi les compromis, il y a le fait de, par exemple, accepter l'idée que tout le monde est libre de son opinion et qu'il faut respecter l'opinion de l'autre. Ça, c'est un des compromis, et on a déjà parlé de ça dans d'autres cours, on a expliqué que ça, c'est contraire à l'islam, que c'est pas vrai que tout le monde a la liberté d'opinion, hein, surtout dans les questions qui touchent à la religion. On n'a pas la liberté de penser ou de dire ou de croire qu'est-ce qu'on veut. Il faut dire, penser et croire ce qui est en accord avec la religion, dans les fondements de la religion. Et on n'a pas le droit de s'opposer à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna ou bien dans le consensus des salafs de la Ummah. Hein? Donc, celui qui pense que tout le monde est libre, tout le monde a le droit de dire ou penser comme il veut et de dire ce qu'il veut, celui-là, c'est parce qu'il n'a pas compris ou n'a pas cru en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit « Al-i'timad wa al-rujur ila ra'y al-aghlabiyya fi isdar al-qararat ». Le cheikh il dit, parmi les compromis également, il y a le fait de revenir à l'opinion de la majorité pour établir des décisions, pour prendre des décisions. Ça aussi c'est un exemple de compromis dans la religion, et que ça n'a rien à voir avec l'islam, en particulier si yani, c'est des questions qui ont été fermement et clairement établies dans le Coran et dans la Sunna et dans l'ijma des salafs. On n'a pas le droit de contredire ces choses-là, même si la majorité est contre. Et encore une fois, je dois clarifier un point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent, ils savent pas que la charia c'est ce qui vient d'Allah et de son messager, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ils s'imaginent que la charia c'est les opinions des savants de l'islam, et que c'est les différents madahib, les différents livres de fiqh et différents jugements et jurisprudences comme ils appellent. Alors que la charia c'est pas ça, la charia c'est ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le dit clairement dans le Coran, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Il faut pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous t'avons mis sur la charia de l'ordre, alors suivez-la et ne suivez pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et il dit dans plusieurs versets, Allah dit, شرع لكم من الدين. Il a légiféré pour vous de la religion, et ainsi de suite. Donc, le terme shara'a, ça implique que c'est qu'est-ce que Allah a légiféré, qu'est-ce que Allah a révélé dans la révélation. Et donc, la charia, c'est ça, c'est ce qui vient d'Allah. C'est pas ce qui vient du jugement des hommes. Et c'est pour ça, comme j'expliquais, que si quelqu'un, par exemple, critique le jugement d'un savant ou d'un juge ou d'un mujtahid et qu'il n'est pas d'accord avec son jugement parce qu'il voit que son jugement est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ça, il n'y a pas de problème. Tant qu'il a des arguments, tant qu'il a des preuves et qu'il est capable de démontrer ce qu'il dit, il peut remettre en question le jugement de ce juge ou de ce savant s'il a fait une erreur. Mais on ne peut pas dire « je suis contre la charia, je suis contre le Coran et la Sunna » parce que ça, c'est kufr. Tu rejettes la charia, tu rejettes la révélation d'Allah, et donc ça c'est bien entendu un acte de mécréance. Après le cheikh il dit « وعقد التحالفات مع بعض الأحزاب العلمانية سواء كانت بعثية أو اشتراكية أو غيرها ممن تقوم مبادئها على الكفر والإلحاد ويكون التحالف على توطيد الديمقراطية والتعددية والحرية وتداول السلطة سلميا مما نهي عنه شرعا فمن ذلك ما نشرته صحيفة المسار من عقد التحالفات جديدة بين الإصلاح والاشتراك. Donc, يعني le fait de également parmi les gens de compromis qu'ils font, c'est qu'ils font des alliances avec certains partis laïcs ou des partis ba'ath, par exemple le parti ba'ath ou bien le parti socialiste ou d'autres partis qui ont parmi leurs fondements des principes de kufr et de négation de la foi et de la religion, et donc ils se basent pour faire ces alliances-là sur la démocratie et le multipartisme, et ils disent que c'est permis de faire ces alliances-là, et ils disent que ça c'est dans le but d'arriver à un échange, une partition du pouvoir, ou un échange du pouvoir, un changement du pouvoir de façon pacifique. Et bien entendu, tout ça, comme on l'a expliqué déjà, ça a été interdit dans la charia et dans l'islam. Et ça, ça a été mentionné même dans un journal au Yémen, comme on avait déjà dit qu'il y avait eu des alliances entre le parti des Ikhwan, al-Islah, et le parti socialiste. Ils font des alliances ensemble. Et ils le disent même à Montréal ici, comme par exemple, là j'ai trouvé ce pamphlet-là, Fédération des musulmans canadiens, c'est une fédération des Canadiens musulmans, ils disent tout le temps ça, par exemple, votons pour les candidats et les candidates aux élections fédérales provinciales 2008 qui œuvrent pour la justice sociale et qui dénoncent l'islamophobie. Donc ça c'est des exemples comment ils incitent les musulmans à voter pour des groupes soi-disant qui incitent à la justice sociale. Et ils disent, nous sommes pour plus de justice. Donc pour eux, les socialistes, ils sont pour plus de justice, par exemple. Et là, ils s'associent toujours avec ces groupes-là, ou bien avec des communistes, ou bien avec d'autres groupes de coups. Et eux, ils voient pas, ils prennent pas en considération que c'est des gens qui appellent à la mécréance et à l'égarement. Ils prennent en considération juste des aspects économique et matériel de la dunya. Par exemple, ça m'a fait rire justement de lire dans ce petit pamphlet-là, fait par le FMC, ça c'est un groupe de mosquées qui se sont réunis ensemble, puis ils ont fait cette truc-là, ça s'appelle la Fédération des musulmans du Canada. Il y a des groupes laïcs là-dedans, il y a des laïcs là-dedans qui sont mélangés avec ça, le regroupement de certaines mosquées avec des associations culturelles, puis il y a beaucoup d'alliances entre ces gens-là justement, parce que parmi les islamistes, il y en a qui sont alliés avec les laïcs, avec ces gens-là, qui font des associations avec eux. Quand il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire à la mosquée, ils les organisent dans les centres culturels, parce que quand ils savent que c'est contraire à l'islam, ils vont le faire dans les centres culturels. Parce que là-bas, tout est permis. Ils mélangent les hommes et les femmes, ils font venir des pouvoirs, ils se mélangent avec eux, ils appellent les politiciens pour faire leurs activités, etc., etc. Donc ils font plein d'affaires graves là-dedans. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent. La mission, leur mission, c'est quoi? Représenter les organismes et les membres de la fédération dans leur intérêt commun, défendre les droits civils individuels, promouvoir l'implication citoyenne de la communauté musulmane et privilégier un esprit citoyen et social-démocrate parmi ses membres. On voit ici leur mission, c'est quoi? Il y a pas, c'est pas marqué enseigner le tawhid pour les musulmans, enseigner aux gens la sunna, leur expliquer c'est quoi, de s'écarter de danger des bid'ah, de leur expliquer comment adorer Allah, tout ça c'est même pas important pour eux. De leur expliquer c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk, les fondements de la religion, ça compte pas, c'est juste promouvoir l'esprit social-démocrate, hein. Ils parlent aussi de dénoncer qu'est-ce qu'ils appellent l'islamophobie. Et ça, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand ils parlent d'islamophobie, islamophobie, ça veut dire la crainte de l'islam. Phobie, phobie, ça veut dire la crainte. Puis islam, ça veut dire la religion de l'islam. Sauf que quand ils parlent, regardez ce qu'ils disent, l'islamophobie incite la haine et l'intolérance et la xénophobie envers les Canadiens et les Québécois et Québécoises arabes et musulmans et à leur culture d'origine et à leur religion. Et après, il dit, l'islamophobie légitimise la discrimination contre les citoyens d'origine arabe, de foi musulmane, religieux et laïque. Aussi bien dans les lieux de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dit après, l'islamophobie démoralise et démobilise les Canadiens et les Québécois d'origine arabe en général et de foi musulmane en particulier. Alors que parmi ceux qui détestent l'islam le plus, il y a les Arabes chrétiens, hein. Les Arabes chrétiens, soit que ce soit des Maronites libanais ou bien des Coptes égyptiens, ce sont des Arabes qui détestent l'islam, vraiment, hein, d'une haine incomparable. Et eux sont des Arabes, tu vas me dire, sont des victimes d'islamophobie, hein. C'est pour ça que tu vois ces gens-là toujours passer leur culture ou leur origine ethnique au devant de leur appartenance à la religion musulmane. Et ils sont toujours en train de dire la communauté maghrébine, ou la communauté arabe, ou la communauté kabyle, ou la communauté amazigh, ou la communauté pakistanaise, et musulmane en dernier. Hein. Et même ils mélangent, ils disent les victimes d'origine arabe, de foi musulmane, religieux et laïque. C'est quoi les membres de foi des musulmans d'origine arabe, de foi musulmane, religieux et laïque? Il y a des gens qui ont la foi musulmane qui sont laïques. Donc, ils mélangent tout. Puis le pire, c'est que dans ce petit pamphlet-là, la FMC, ils ont changé le texte de ce qui est écrit dans leur site internet. Parce que si tu retournes dans leur site internet, ils ont même mis les chrétiens là-dedans. Parmi les victimes d'islamophobie, ils ont marqué chrétiens. Mais dans le pamphlet, ils l'ont enlevé. Un coup parti, ben oui, parce qu'ils le disent de toute façon. L'islamophobie invite par généralisation à la discrimination raciale, à l'antisémitisme et au choc des civilisations. Porte atteinte à l'esprit de la Charte des droits et libertés et de la paix sociale. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Les Québécois. Et ils disent votons pour la justice sociale. Les Québécois et les Canadiens, en général, et musulmans en particulier, les candidats et aux élections sont et le gouvernement élu sont appelés à dénoncer l'islamophobie, ainsi de suite. Puis il dit parce que, il dit, nos valeurs sociales et démocratiques, dont égalité, justice, cohésion sociale et respect des diversités sont les valeurs de la société, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est juste pour dire comment ils présentent les choses, comme s'ils sont des démocrates laïcs, et on voit aucun appel au tawhid, aucun appel à la sunna, aucune incitation aux gens de revenir à juger selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement des trucs, d'égarements qu'ils appellent les musulmans à suivre. Donc tout ça c'est des exemples, comment ces gens-là sont en train de faire des courbettes devant les koufars pour essayer de se faire accepter par eux. Et le pire c'est que maintenant, quand il y a des musulmans par exemple qui sont convertis, hein, comme par exemple moi ou bien d'autres frères qui sont québécois d'origine, hein, qui sont d'origine soi-disant comme ils disent de souche, hein, ou bien moi par exemple qui est d'origine haïtienne et puis qui est converti à l'islam, qui est une mère québécoise de souche, ainsi de suite, eh bien eux ils viennent nous voir et nous disent écoutez, nous on est des Québécois et puis Nous, on est des Québécois. Lui, ça fait 5 ans qu'il vient d'arriver ici seulement. Hein. Il vient nous voir, il nous dit, écoutez, nous, on connaît mieux la mentalité des Québécois que vous, là. Parlez pas de l'islam, parlez pas de la communauté musulmane, parlez pas du Québec, parce que vous faites une mauvaise représentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que eux, ils ont leur programme et ils ont leur agenda. Donc, ça veut dire que s'il y a un musulman dans la communauté qui dit quelque chose qui va en contradiction avec leur programme à eux, automatiquement, ils vont faire leur possible pour le mettre à l'écart, ou pour le pousser, ou pour le faire taire. Parce que eux, ils ont besoin de faire passer leur message à eux en avant, justement, pour établir leur programme et leur plan, et de faire tout ce qu'ils peuvent pour justement faire en sorte que les Québécois et les musulmans ne connaissent pas la réalité de l'islam. Et c'est triste que ça soit comme ça, Yanni, parce qu'ils sont en train de bloquer et d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans et aux kuffars. Et ça, c'est l'attitude des munafiqin, a'udhu billah. Donc, le cheikh ensuite, il dit, قُلْتُ فَأَيْنَ مُطَالَبَتُكُمْ بِتَقْدِيمِ التَّوْبَةِ الدِّينِيَةِ hein, parce qu'ils ont dit, كَذَلِكَ مِنَ التَّنَازُلَاتِ مَا نَشَرَتْهُ جَرِيدَةُ الْمُسْتَقِلَّةِ مِنْ أَنَّ الْإِصْلَاحِيِّينَ يُطَالِبُونَ الْحِزْبَ الْإِشْتِرَاكِ تقديم توبته الوطنية حتى يتم التحاور بينهما. أبتدى قلت فأين مطالبتكم بالتقديم للتوبة الدينية أم أنها غير لازمة للتحاور معه ويا ليتكم بقيتم على طلبكم هذا بل قد نشرت جريدة الثورة مقالا تحت عنوان الإصلاح أسقط شرط توبة الاشتراك فالله المستعان. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Également parmi leurs compromis, c'est que c'est parmi les choses qui ont été mentionnées dans le journal Al-Mustaqilla, le journal de l'indépendance, Al-Mustaqilla ou bien l'indépendant. C'est le journal Al-Mustaqilla de la quatrième année, le numéro 1299 du mois de Zulqa'da, qui correspond au mois d'avril Nissan 1996. Qu'est-ce que ça dit dans cet article-là? C'est que les Islahiyin, quand ils veulent faire des dialogues avec le parti socialiste, ils demandent ils leur demandent de faire une repentance nationale. Il leur demande pour faire le dialogue avec eux de faire une repentance nationale. Le cheikh, il dit, et pourquoi vous leur demandez pas plutôt de faire une repentance religieuse au lieu de faire une repentance nationale, hein? Alors, et vous croyez pas que c'est obligatoire pour eux de le faire, pour faire un dialogue avec eux? Et après, il dit, il dit, voyez, si seulement vous auriez au moins gardé ça, cette demande-là, parce que ça a été rapporté dans le journal Al-Thawri, et Al-Thawri, c'est le journal socialiste, le jeudi 6 de Zulqa'da 1416, qui correspond au 4 avril 1996, ce journal socialiste dit que le parti de Al-Islah a laissé tomber la condition de faire une repentance pour le socialiste. Donc, une partie socialiste au Yémen. Donc, Allah al-Musta'an. Après, donc ça c'est des exemples, comment ces gens-là qui rentrent dans ces systèmes-là, ils commencent à jouer avec la religion. La religion pour eux devient comme un jeu. La religion devient pour eux comme un jeu. Hein? Et ils font des alliances avec n'importe qui. Ils prennent même pas aucune considération avec qui ils s'assoient, avec qui ils parlent, avec qui ils prennent comme alliés, et ainsi de suite. L'important pour eux, c'est les intérêts. Hein? Mais c'est ça, l'argent et tout, des trucs de ce genre. Donc ça, c'est très dangereux, en fait, pour un croyant s'il veut rester sur le droit chemin. Le chef, il dit, وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فِي هَذِهِ الْمَجَالِسَ النِّيَابِيَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَخْلُو الْبَرْلَمَنَاتِ مِنْ مُشَارَكَةِ النِّسَاءِ فِيهَا وفي ذلك مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت ومعنى ذلك أحذركم من الدخول على النساء غير المحارم. فيا دعاة الانتخابات، هل اللاتي في مجلس النواب من محارمكم؟ Le chef il dit que le prophète, également parmi les compromis qu'ils font, c'est qu'ils acceptent de rentrer les femmes dans les parlements, puis de s'asseoir avec les femmes, et de faire participer les femmes dans le parlement. Et ça, bien sûr, c'est une contradiction de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit « prenez garde de rentrer chez les femmes ». Et un homme parmi les Ansar a dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu dis à propos du proche parent, comme l'oncle ou le frère ?» du mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est la mort. Hein? Le proche parent du mari, c'est le mort. Et c'est la mort. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim. Hein? L'imam muslim. Et donc ça c'est pour dire, prenez garde de rentrer chez les femmes qui sont pas vos maharim, qui sont interdites pour vous, c'est-à-dire que vous avez le droit de les épouser. Donc ces femmes-là, vous n'avez pas le droit de rentrer lorsqu'elles sont là. Et le cheikh dit donc, vous qui appelez aux élections, est-ce que les femmes avec qui vous êtes dans vos assemblées là, est-ce que ce sont des femmes qui font partie de vos maharim? Et on voit que ces gens-là, ils ont aucun problème pour s'asseoir puis se mélanger avec des femmes qui n'ont même pas de voile et qui sont parfois en train de faire même de la fitna, parce que c'est pas seulement qu'elles sont innocentes et dévoilées innocemment comme certaines femmes innocentes parfois qui portent pas de voile, mais en même temps elles sont pas maquillées, pas bien habillées, elles sont tu vois des, comme on dit, comme par exemple des gens ordinaires qui sont pas voilées, pas parce qu'elles veulent désobéir à Allah, mais parce qu'elles sont soit ignorantes ou autre chose de ce genre, qu'elles savent pas ou bien qu'elles sont pas éduquées dans l'islam, tandis que dans la d'autres, c'est vraiment le top modèle qu'elle veut ressembler et tout, là, elle se maquille, elle se arrange ses cheveux chez la coiffeuse, elle met des vêtements exprès pour justement montrer les formes de son corps. Celle-là, elle fait exprès pour faire la fitna. Et c'est ces femmes-là, souvent, qui sont dans ces endroits-là, ou bien dans les trucs de ce genre. Donc, ils se mélangent avec ces femmes, et ils n'ont aucun problème avec ça. Et donc, ça montre que c'est des gens qui donnent peu d'importance à ça. Et puis, eux, ils disent, non, de toute façon, ça, c'est des détails. Ça, c'est pas important, le hijab, la mixité. C'est pas important pour eux. Parce que c'est des détails. Pour eux, l'important c'est d'arriver au pouvoir. Et tout ce qui peut t'amener à atteindre le pouvoir, eh ben, pour eux, ça devient halal, comme on va le voir tout à l'heure. Après, le cheikh dit, وَمِنَ التَّنَزُلَاتِ أَيْضًا التَّصْوِيرِ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَّدَةِ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْمَسَّدَةِ فِي مَا تَقَدَّمِ. Aussi, parmi ces compromis-là, de faire des photos. Et on a parlé de ça. حُدُور عَبْدُ الْمَجِيدِ الزِّنْدَانِي مؤتمر وحدة الأديان المسمى تمويها بحوار الأديان كما نشرت ذلك في مجلة النور من شهر رجب عام 1415 ونشرت الخبر أيضا ونشرت الخبر أيضا جريدة المحرر العدد 277 و35 الاثنين يوم السابع تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 صفحة 11. Donc il mentionne que Abdul Majid Al-Zindani, parmi les compromis qu'il a fait, c'est un des Ikhwan qui est rentré dans les élections lui aussi, il a assisté à la convention pour l'unification des religions qu'ils appellent pour essayer de tromper l'affaire. Au lieu de l'appeler l'unification des religions, ils l'appellent le dialogue entre les religions, comme ça a été mentionné dans le magazine An-Nour. Et le mois de Rajab, ça c'était le mois de Rajab 2415, à la page 7, dans ce magazine-là, et ça a été aussi apporté dans le journal Al-Muharrar, le numéro 277, le lundi, le 7 Tachirin al-Thani, ça c'est le mois de novembre 1994 à la page 11 également. وحضور عبد المجيد الزنداني الحفل الذي أقيم في الملعب في ملعب الحبيشي بمناسبة ذكرى الاستقلال، وكان من المشاركين في هذا الحفل بعض الطالبات البالغات، ومع هذا لم ينسحب من الحفل، وعندما سئل عن ذلك قال عن ذلك أجاب بقوله حتى لا يفسر انسحابه من الحفل لخلاف بين الإصلاح ومؤتمر الشعبي. Donc le chef il dit que également Abdul Majid al-Zindani il est allé dans une fête qui a été établie qui était pour l'occasion de l'indépendance, et parmi les participants à cette fête il y avait des jeunes filles qui sont d'âge puberte, et malgré ça il ne s'est pas retiré de cet endroit là. Et quand on lui a posé la question « Pourquoi t'es resté ?», il a dit « Je voulais pas que ce soit interprété comme si j'avais un conflit avec la convention populaire ou le groupe Al-Muqtamar al-Sha'bi, Al-Muqtamar al-Sha'bi. » Donc c'est ça, la convention du peuple. Et donc ça c'est des exemples, des choses de ce genre. Ça, il y en a plein à Montréal. Vous voyez ça dans quoi? Dans les magazines communautaires. Les magazines communautaires, que ce soit les magazines des différentes communautés culturelles, que ce soit algériens, marocains, tunisiens, pakistanais et autres, quand ils font des fêtes ou même des fois ils font des fêtes de Eid, et tu les vois, ils montrent les photos, là ils mettent la photo sur la première page des fois, et tu vois les femmes et les hommes qui dansent ensemble avec les musiciens et tout, comme si rien n'était, hein. Et puis après, tu vois ces gens-là qui font la promotion de ces magazines-là, ils viennent prier à la mosquée comme si rien n'était. Et des gens qui participent à ces associations-là, ils viennent à la mosquée prier comme si rien n'était. Et ces gens-là sont soi-disant respectés dans la communauté parce que ils font du bien pour la communauté. Ils considèrent que ces gens-là sont en train de faire du bien pour la communauté maghrébine ou autre, alors qu'ils sont en train de faire du façade dans la communauté, ils égarent les musulmans. Donc ça c'est dangereux. Et il dit wa nashara dhalika jarizatul al-wahdawi adad 158 6 Rajab 1415 الموافق 1994 اليوم الخامس 12 الشهر 12 ديسمبر. Donc ça a été aussi mentionné dans le journal numéro 158 du mois de Rajab, le 6 mois de Rajab de 1415, qui correspond au 5 décembre 1994. والتنازلات كثيرة وكثيرة جدا ولو استطردنا في بسطها لطال بنا المقال، وإنما المقصود هو بيان عظم مفسدة المشاركة في مثل هذه الأمور المبتدعة. Donc il dit, il y en a beaucoup d'autres, mais on a juste voulu en mentionner quelques-unes. Parce que si on continuait à en mentionner d'autres, on pouvait prendre beaucoup de temps encore. Mais le but c'était juste de faire voir que de participer à ce genre de système d'innovation, ça nous amène à faire toutes sortes de choses graves dans la religion. 28, le méfait numéro 28, Ihanatul Masajid. C'est-à-dire le fait qu'on dénigre, on rabaisse et on manque de respect envers les mosquées. Le cheikh il dit إن المساجد هي بيوت الله يجب أن تعمر أن تعمر بذكره تعالى من صلاة وقراءة قرآن وتعليم العلوم الشرعية وغيرها من الأمور التي ينتفع بها المجتمع. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال. دونك إلزي وقال ابن كثير أي أمر الله فيها برفعها أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها. وقال السعدي عمارة المسجد على قسمين، عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين. Donc le cheikh il dit que les mosquées sont les maisons d'Allah et c'est obligatoire qu'elles soient fréquentées et qu'on les utilise pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la lecture du Coran et l'enseignement des sciences islamiques et on ne doit pas les utiliser pour d'autres choses qui ne sont pas bénéfiques pour la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné qu'on élève des maisons dans lesquelles on mentionne son rappel, on rappelle son nom et on le glorifie dedans, soir et matin. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser les mosquées pour ces choses-là et non pas pour faire des trucs de démocratie dedans et des élections et des campagnes électorales dedans comme ils sont en train de faire maintenant dans toutes les mosquées à Montréal. La plupart des mosquées en tout cas, ils amènent des candidats aux élections et puis ils les laissent parler aux musulmans pour les inciter de voter pour différents groupes ou différents partis. Et puis même parmi eux, il y en a parfois, ils présentent des koufars et il y en a qui pensent que parfois s'il y a un musulman qui se présente, il faut l'aider et il le présente comme si voici un musulman qui s'est présenté aux élections, votez pour lui parce qu'il est arabe ou parce qu'il est musulman ou parce qu'il est maghrébin, alors que pour de vrai, c'est quelque chose qui est haram et c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, et que même s'il est musulman, même s'il est maghrébin, même s'il est arabe, eh bien probablement que sa aqida et son manhaj est complètement corrompu et que lorsqu'il arrive au pouvoir, il va non pas aider les musulmans, mais écraser les musulmans, comme Fatima Abdelpépin et d'autres. Donc c'est pour vous dire, ces gens-là, ils ont un bon salaire une fois qu'ils arrivent à leur place, ils ont été élus, c'est combien, 70 000 par année? En tout cas, s'ils ont été élus plus qu'une fois, ça y est, quand ils ont été élus deux fois de suite, ils ont une pension là, ils reçoivent le même salaire qu'ils ont gagné pendant leur travail jusqu'à la fin de leur jour. C'est comme je disais ça à propos de Jean Chrétien là, ils gagnaient 140 000 par année et il va continuer de gagner ça maintenant qu'il est à sa retraite, il va continuer de gagner ça jusqu'à sa mort chaque année, 140 000, même s'il ne travaille pas. Donc c'est pour dire que les gens ils rentrent dans les élections là, puis dans les trucs de démocratie là, c'est pas juste pour soi-disant quoi que ce soit de bien là. Et puis plutôt surtout quand ils le font au nom de l'islam là, c'est encore plus laid. C'est pour se remplir les poches bien sûr, yani. Et après le cheikh il dit قلت ومن تأمل هذين القولين ونظر بعين الانصاف إلى حال دعاة الانتخابات وما عملوه في المساجد في هذه الأيام يرى أنهم قد دنسوا المساجد بباطل القول من الدعوة إلى الانتخابات في خطب الجمعة وفي محاضراتهم التي كثر فيها في هذه الآونة، بل وصل بهم الحال إلى تعليق الأوراق التي تدعو إلى الانتخابات في حيطان المسجد أو في حيطان كثير من المساجد في الخارج، بل قد استدرجهم الشيطان إلى أن علقوا بعضا من الصحف والجرائد المشتملة على الصور في داخل المسجد وفي داخل بعض المساجد لما فيها من فتاوى ومشايخهم في تجويز الانتخابات ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le chef il dit que on voit ça lorsque on observe, parce que il a mentionné les paroles d'Ibn Kathir et de l'imam al-Sa'di, quand ils ont expliqué ce verset-là, ils ont dit que Allah a ordonné de les élever quand on dit de les élever, les mosquées, ça veut dire quoi? De les purifier de toute imperfection, de toute impureté et de toute futilité, de mauvaises choses dans les actions et dans les paroles. Donc tout ce qui ne convient pas d'être fait des mauvaises actions et des mauvaises paroles dans les mosquées, on ne doit pas le faire. Et il mentionne les paroles de l'imam Sa'di dans son tafsir qui dit que Imaratul Masjid, c'est de deux catégories. C'est Imaratul Masjid, ça veut dire de les construire et de les garder propres et de les garder en bon état. Et aussi ça veut dire de mentionner le nom d'Allah et de faire la salat et de faire d'autres adorations de ce genre. Et la deuxième, c'est la plus noble de ces catégories-là. Après, il dit, si on observe ces deux citations-là de ces savants-là, on voit que, et qu'on analyse avec honnêteté et justice, on va voir que les gens qui appellent à la démocratie, ils n'ont pas respecté les mosquées, et surtout de ces jours-ci, on voit que ils ont corrompu la mosquée avec toutes sortes de faussetés et de mensonges, et d'appels à la démocratie et aux élections. Dans les khutbas de Jumu'ah et dans les conférences qu'ils font, et en particulier à l'époque actuelle, on voit ça. Et. Mais eux, ils acceptent tout le monde, même des non-musulmans parfois, dans leur fédération, dans leurs associations, dans leurs groupes. C'est parce que c'est des trucs qui sont basés sur la laïcité, c'est basé sur les systèmes des koufars, c'est pas basé sur l'islam, leurs organismes, leurs groupes, là. Donc ils acceptent même des koufars parfois là-dedans, et même les Ikhwan al-Muslimin, ils acceptent des koufars dans leur parti. Donc c'est pour vous dire. Ensuite, donc c'est ça, ils disent que on les entend dans les conférences, dans les khutbah Jumu'ah, les discours du vendredi, après la prière, ou bien même des fois, avant la prière ou après la prière, il les amène pour venir parler et pour leur dire, même pendant la khutbah parfois, il leur dit il faut voter. Il y en a même qui disent que si tu votes pas, si tu fais un péché, ils disent ça aux gens dans la mosquée, imaginez. Donc, ils disent que c'est comme si pour eux, de pas voter, c'est comme si c'est de faire un péché, alors qu'en réalité, c'est de participer avec ces gens-là dans ce système-là qui est un péché. Mais pour eux, qu'est-ce qui est bien, c'est devenu le mal, et qu'est-ce qui est mal, c'est devenu le bien. Et aussi, même parfois, quand c'est des femmes candidates, subhanallah, comme ils l'ont dit même dans le journal l'autre jour, la femme là, Samira Laouni, en tout cas, subhanallah, elle est rentrée chez les hommes pour parler. Ils l'ont laissée à la mosquée Shura à Montréal-Nord. Ils l'ont laissé rentrer soi-disant chez les hommes pour parler aux hommes, alors que c'est une femme. Allah, pourquoi ils l'ont pas laissé diriger la prière en cette partie, A'udhu billah. Non, mais c'est pour dire que pour la démocratie, soi-disant, parce que c'est une Marocaine, on la laisse parler. Parce que c'est une musulmane. Et si c'était une femme chrétienne, est-ce qu'ils allaient la laisser parler? Peut-être que oui. Parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas de gêne ni de honte. Donc nous, on n'a rien à voir avec ça. S'ils voulaient faire leurs associations culturelles et faire ça là-dedans, ça c'est leur problème. Déjà, c'est des gens, ils font qu'est-ce qu'ils veulent là, dans leurs affaires là. Ils craignent pas Allah, donc ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais de faire ça à l'intérieur des mosquées là, ça c'est la honte complète, totale. Et le shaitan les a trompés, il les a amenés même à parfois à mettre les photos des candidats sur la mosquée, à l'extérieur. Et parfois même, ils mettent certains journaux à l'intérieur avec les fatwas de leurs chouyours qui permettent, par exemple, les élections pour faire voir ça aux gens. Donc, Allah al-Musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, après le shaykh, il dit, wa hadha, alladhi yaf'aluhu du'at al-intikhabat, la yashukku al-jahil fadlan an. من كان عنده مسكة من علم أنه إهانة للمساجد التي أمرنا الله بعمارتها والمحافظة عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عما هو أقل من ذلك بكثير، وبما هو في أصله حلال، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on voit de la part de ces gens-là, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose de mauvais et d'interdit, même une personne ignorante hein, va savoir ça, sans parler de la personne qui a un minimum de science. Il sait que ça c'est de rabaisser les mosquées, de manquer de respect envers les mosquées, que Allah nous a ordonné de remplir de bien et de remplir de bonnes œuvres, et non pas avec des péchés, hein, et de les préserver, de les garder. Et il y a des choses qui ont été interdites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont bien moins graves que ça, comme, et qui sont à la base halal. Comme par exemple, l'imam muslim a rapporté dans son sahih un hadith rapporté selon Abi Huraira, dans lequel il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui entend un homme qui appelle ou qui demande quelque chose qu'il a perdu dans la mosquée, alors qu'il lui dise que Allah ne te le redonne pas. » Parce que les mosquées n'ont pas été construites pour ça. Donc ça veut dire que si tu entends quelqu'un dans la mosquée qui dit en avant de tout le monde, est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez vu quelque chose, j'ai perdu telle affaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne qui fait ça, répondez-lui que Allah fasse que tu ne le trouves pas. Hein? Alors que ça c'est pour dire que si c'est le cas pour une chose pareille, imaginez quelqu'un qui vient dans la mosquée commencer à appeler à les gens, à dire il faut voter, il faut aller aux élections, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein? Ça c'est encore plus grave. Et yani, en particulier comme ici là, quand ils font entrer des gens, même c'est des fois c'est des couffards, hein? Ils leur montrent de l'honneur et du respect, et ils les font entrer dans la mosquée, ils leur mentionnent même pas un seul mot sur l'islam. Pour les appeler à se convertir à l'islam. Au contraire, même c'est eux qui sont en train de faire leur da'wa pour dire aux musulmans rentrer dans notre système. Et il mentionne un autre hadith aussi rapporté par Muslim, min hadith Buraida ibn al-Husayb, anna rajulan nashada fil masjid fa qala man da'a ila al-jumal al-humr ila al-jamal al-ahmar fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Donc une fois Buraïda ibn al-Husayb me dit qu'un homme est venu dans la mosquée puis il a dit qui a vu un chameau rouge, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que tu ne le trouves pas. Les mosquées ont uniquement été construites pour ce que pour ce pourquoi elles ont été construites. Et il a dit que tu ne le trouves pas, les mosquées ont été construites pour ce qu'elles ont été construites. Ouais, parce que peut-être qu'il avait perdu son chameau, et puis il le cherchait, il rentrait dans la mosquée pour demander aux gens. Ouais. Donc c'est une sorte de chameau, qui coûtait très cher, oui. Et. Oui, c'est ça. أبقي إذن وقال النووي رحمه الله وفي هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشط الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد وأخرج الإمام الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا له لا رضى الله عليك واللفظ للحاكم. Donc ça c'est un hadith qui est apporté par الحاكم dans المستدرك et dans كتاب البيوع et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans صحيح الترمذي. Bon, en fait, c'est quoi? C'est que le chef, il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi qui donne un commentaire sur les deux hadiths qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et il dit que c'est donc interdit de chercher quelque chose qu'on a perdu et de le demander dans la mosquée. Et tout ce qui a rapport avec ça, ça rentre dedans. Comme par exemple de vendre ou d'acheter dans la mosquée, ou de faire des contrats dans la mosquée, ou ça prouve également que c'est détestable de lever la voix dans la mosquée. Et ça, c'est rapporté par al-Nawawi dans le Sharh de Muslim. Et il mentionne également un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi que j'ai dit tout à l'heure, selon Abi Huraira, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez quelqu'un qui va ou qui fait du commerce dans la mosquée, dites-lui que Allah ne te donne pas du profit dans ton commerce ou du succès dans ton commerce. Et si vous voyez celui qui cherche quelque chose qu'il a perdu dans la mosquée, dites-lui que Allah ne te redonne pas ce que tu cherches. Et c'est un dua contre lui. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نشر الضالة وعن البيع في المسجد في المساجد ولا لا من أجل أن ذلك محرم لذاته بل هما في الأصل حلال ولكن نهى عن ذلك في المسجد خاصة في المساجد خاصة لما فيه من تعرضها للإهانة فكيف بمثل الدعوة إلى الانتخابات التي أصلها محرم فإن الأمر يكون حينئذ أشد والله أعلم. Donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de chercher quelque chose qui est perdu dans la mosquée ou bien de vendre quelque chose dans la mosquée, pas parce que c'est interdit par lui, pas parce que c'est interdit en lui-même, c'est-à-dire c'est pas interdit en soi. Si vous regardez par exemple, si vous voyez par exemple le commerce est halal et c'est permis de chercher quelque chose en général, mais dans la mosquée c'est pas permis. Pourquoi? Parce que ça rabaisse la mosquée, ça baisse l'importance de la mosquée, c'est un manque de respect pour la mosquée. Alors que dire de celui qui appelle aux élections et aux, à quelque chose qui est à la base haram? Ça c'est encore plus grave, c'est plus dangereux. Ben, c'est pas nécessairement dans la tribune, depuis que c'est dans la mosquée, que tu dis aux gens, tu dis aux gens à haute voix, j'ai perdu telle affaire. Ça, c'est pas permis. T'as pas le droit de dire ça à haute voix devant tout le monde. Est-ce que t'as trouvé quelque chose comme ça? D'accord? Sinon, ça finirait plus. Hein? Sinon, ça finirait plus. Toutefois, à chaque fois, quelqu'un, il vient, il dit, ah, j'ai perdu ça. Et l'autre, il dit, moi, j'ai perdu ça. Là, ça finit plus. Les gens, quand ils ont perdu quelque chose, ils vont tout de suite venir à la mosquée. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Et la mosquée c'est pas construit pour ça. Après le cheikh il dit ثم وتبني فكرة اليهودية فكرة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة. Ça c'est le point 29. Le cheikh il dit que ils ont aussi cette idée juive que le moyen, le but justifie les moyens. Tu veux arriver à un but, ben, si ton but il est bon, dans ce cas-là, tout ce qui t'amène à ce but-là, c'est bon aussi. Même si c'est haram, c'est pas grave, tu peux le faire. Parce que ça t'amène à ton objectif. Le cheikh il dit, ومعنى هذه القاعدة كما قال الشيخ عبد السلام بن برجس أن كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي إصلاح العباد يصح للداعي أن يسلكه ولو قد ورد الشرع بالنهي عنه والمنع منه ما دام يحقق تلك المصلحة. ثم مثل لهذه القاعدة اليهودية فقال ومن أمثلة ذلك تجويز الدخول في البرلمانات الكافرة بقصد الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح البلاد والعباد. ومن المعلوم أن الدخول في تلك البرلمانات هو في حقيقته تضييع لمقاصد الشرع في الضروريات فضلا عن الحاجيات وفضلا عن التحسينيات، إذ هو هدم للدين من أساسه وتنازل عن أسمى غاياته وهي تحقيق توحيد الله تعالى. قلت جزاه الله خيرا فقد شفى العليل وأروى الغليل بكلامه هذا. Donc le cheikh il dit que cette règle, elle a été expliquée par les paroles de l'imam ou le cheikh Abdus Salam ibn Burjis rahimahullah. Il dit que c'est que toute voie ou toute manière ou toute chose qui peut t'amener à ton but, hein, et le but c'est quoi? C'est d'amener du bien, d'amener qu'est-ce qui est un bienfait pour les hommes. Ils disent que c'est permis de le faire, même si il y a une phrase dans la charia qui nous interdit de le faire et qui nous montre que c'est pas permis de le faire tant que ça ramène un bienfait pour les hommes. Hein? Donc, tu vois quelque chose qui amène un bien, c'est permis. Même si tu prends n'importe quel moyen pour le faire parce que le but il est bon. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est leur principe. Et après, il a donné un exemple à cette règle juive et il dit, parmi ces règles-là, parmi ces exemples, le fait de permettre aux gens de rentrer dans les parlements de mécréance, hein, dans le but de faire la da'wah à Allah et de réformer les pays et les personnes. Hein. Et le cheikh dit que ça, c'est clair que de rentrer dans les parlements, en réalité, déjà à la base, dans sa réalité, c'est comme si tu es en train de détruire ou de perdre les bases des objectifs de la charia dans les nécessités, hein, dans les daruriyat. Ces gens-là, ils sont toujours en train de parler de maqas et de shara. Ils sont toujours en train de parler des objectifs de la charia et des buts de la charia. Et ils disent il faut pas regarder les règles, les détails, il faut regarder les buts de la charia et les objectifs de la charia. Ça, pourquoi ils disent ça? Ils disent ça justement pour essayer de faire croire aux gens que l'important c'est le but et l'objectif de la charia, peu importe le moyen que tu utilises pour l'atteindre. Et donc le cheikh dit déjà, même les fondements de ces objectifs de la charia là, c'est d'établir le tawhid et de protéger l'aqida des hommes. Ça c'est la base, ça fait partie des nécessités, hein, et sans compter des choses qui sont des besoins et des choses qui sont des embellissements, des améliorations, des, comment on dit, tahsiniyat, hein. Donc le cheikh il dit que déjà tu es en train de détruire la religion à sa base en rentrant dans ce genre de parlement ou en rentrant dans la démocratie, parce que tu es en train de faire un compromis sur ce qu'il y a de plus cher dans la religion, c'est-à-dire de réaliser et d'établir le tawhid. Et donc le cheikh il dit qu'Allah remercie, hein, qu'Allah donne la récompense à ce cheikh, hein, d'une meilleure récompense, parce qu'il a vraiment réussi à clarifier un sujet qui est très important. Après, il dit, et ça c'est dans son livre, Al-Hujjaj al-Qawiyya ala anna wasa'il al-da'wa tawqifiyya. Ça c'est son livre, c'est le titre du livre. Après, il dit, wa tabanni mabda fasl al-din al-dawla. C'est-à-dire, ils ont le principe également, parmi les méfaits de la démocratie, c'est la laïcité, de séparer l'État et la religion. Donc, le cheikh dit, « وهذا المبدأ العلماني الذي يحمل في طياته الكفر والإلحاد والزندقة يعني أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر فالأمور الدينية كالعبادات وما شابهها هي لله وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فهي من خصوصيات الشعب فالنظام الانتخابي يحمل في طياته بل في مبادئه أن مصدر السلطة سواء كانت شرعية أو قضائية أو تنفيذية هو الشعب لا دخل للكتاب والسنة فيها فدعاة الانتخابات يقبلون هذا شاءوا أم أبوا وما أشبه هذا المبدأ الخبيث بما يقوله المراهقون السياسيون من أن علماء السنة السلفيين فطاحلة في العلم الشرعي ولكنهم عالة في على غيرهم في الفقه الواقع أو وأن فقههم يختص بالحيد والنفاس والأحوال الشخصية وقال تعالى تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات les qawmi yuqinoun. Donc, ouais, c'est la fin. On va arrêter là. Le cheikh, il dit que, il défend la laïcité. Et il croit que c'est permis, hein, de séparer, qu'est-ce qui est pour Allah, c'est à Allah, et qu'est-ce qui est à César, c'est à César. C'est ça leur principe. Et ça, dedans, il y a du kufr, il y a un rejet de la foi, un dénuement de la foi, et il y a une forme d'hérésie en réalité. parce que il sépare entre les questions de la religion, de l'adoration, ils disent que ça c'est pour Allah, mais tout ce qui est en dehors de ça, et ben tout ce qui a rapport avec la vie sociale, la vie politique, la vie économique et autres, ça, ça fait partie des particularités du peuple, et c'est le système électoral qui amène, qui doit s'en occuper. Et parmi les fondements et les principes de ça, c'est que le peuple est la source de la souveraineté, et que les pouvoirs législatifs, juridiques et exécutifs sont au peuple, appartiennent au peuple, et y a rien, et ça n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna. Donc les gens qui appellent aux élections, eh ben, qu'ils le veuillent ou non, ils acceptent ce principe-là, qui est un principe corrompu. Et c'est ce qu'on entend dire beaucoup parmi ces les politiciens là, que par exemple parmi les jeunes, ils disent que oui, les ulama de la Sunna, ce sont des grands savants dans la science de la religion, mais quand c'est pour autre chose, ils ne savent rien de, ils ne comprennent rien à la réalité, et ils ne connaissent que la science qui a rapport aux menstruations et aux règles, et aux écoulements des femmes après l'accouchement, des trucs de ce genre, et des choses qui ont rapport avec les questions de mariage et de divorce, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne les autres choses qui ont rapport avec la politique et autres, ça c'est pas leur domaine. Et le cheikh il dit que, hein, comme Allah dit le verset 118 dans Surat Al-Baqarah, Allah il dit leurs cœurs se ressemblent, hein, leurs cœurs se ressemblent. Les laïcs et les soi-disant les islamistes, ben leurs cœurs se ressemblent. Même s'ils prétendent qu'ils veulent la charia, des fois souvent c'est pas vrai. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, je pensais avoir le temps de finir le chapitre, mais il reste juste un dernier point qu'on va faire la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.